Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Connaître Ensemble, l'émission des étudiantes au bac en apprentissage femmes pour tout connaître sur la périnatalité. Aujourd'hui, on parle du congrès de l'Association canadienne des sages-femmes en compagnie de Raymond Gagnon et Erika Goupil. Restez avec nous. Alors, bonjour Raymond. Bonjour. Bonjour Erika. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vous venez nous parler de ce congrès. Vous avez tous les deux assisté à plusieurs conférences qui vous ont inspiré, qui vous ont touché aussi. Alors, on va commencer pour un peu tout le monde. Commencer par savoir qu'est-ce que CAM ou l'ACSF? Bien, alors, CAM, c'est l'Association des sages-femmes. L'Association canadienne des sages-femmes, donc Canadian Association of Midwives, c'est cet organisme-là qui organisait le congrès dont on va vous parler. Alors, combien de membres compte-t-on dans cette organisation? En fait, il y a 882 membres qui sont répartis partout au Canada. Alors, peut-être que je pourrais vous parler des provinces là canadiennes où la profession sage-femme est légalisée. Il y en a 7. Actuellement. Il y a la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, l'Ontario, le Québec et il y a aussi les territoires du Nord-Ouest. Et dernièrement, en fait, l'année 2008 a été une année très importante là, pour la légalisation de la profession sage-femme à l'intérieur du Canada. Il y a la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse qui ont vu leur loi sur la pratique sage-femme adoptée par leur gouvernement. Puis le Nouveau-Brunswick aussi, à partir du mois de juin, et le Nunavut ont des projets de loi là, qui sont en cheminement à l'heure actuelle. Dans les autres provinces, comme l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve, les territoires du Nord-Ouest, ben, c'est un petit peu plus lent, mais il y a des choses qui s'initient aussi dans un petit peu partout là, au Canada. On voit que ça bouge de plus en plus. Combien de sages-femmes a-t-on dit qu'il y avait dans chaque province? En fait, dans chaque province, si on regarde, bon, c'est l'Ontario où il y en a le plus à l'heure actuelle, il y en a 450. La Colombie-Britannique, il y en a 125. Au Québec, on est 93 à l'heure actuelle. Les autres provinces, il y en a un petit peu moins, mais c'est en expansion partout, en fait. Et cet événement en particulier qui a lieu il y a 2 semaines à Québec, quels étaient ses objectifs de cet événement? Ben, je peux vous répondre à ce sujet-là. Les objectifs du congrès, c'est d'abord de rassembler ses membres. C'est aussi de partager qu'est-ce qui se fait dans le domaine de la recherche en pratique sage-femme, dans le domaine de l'obstétrique, de la périnatalité. Et c'est également de prendre le pouls de ce qui se passe dans la communauté, non seulement la communauté sage-femme, mais aussi la communauté des femmes et des familles, non seulement au Canada, mais à travers le monde aussi. Et cette année, les thèmes étaient présence et leadership. Mais quels étaient les thèmes des autres congrès? Alors, les autres congrès, ils se passent, en fait, peut-être préciser au point de départ que les congrès ont lieu à tour de rôle dans chacune des provinces. Alors, l'année dernière, c'était à Vancouver, en Colombie-Britannique. Et le thème de cette conférence-là, c'était l'esprit de la pratique sage-femme. L'année antérieure, c'était à Ottawa. J'avoue là, que je me souviens pas du thème en 2006. Je peux vous dire peut-être celui de 2005. Là, c'était à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et c'était « Midwives in the Balance, Partnership and Practice for Normal Birth ». Alors, ça tourne toujours autour de la naissance, la pratique sage-femme, la place que les sages-femmes prennent aussi à l'intérieur de la communauté. Merci. Alors, on a l'ami d'Hauteville et on a été, je crois, aussi très heureuse de recevoir ça à Québec cette année. Oui, mm-hmm. Oui. Ça avait déjà eu lieu au Québec, à Montréal, mais disons autour de 2003, je crois. Donc, on était contents que ce soit à notre tour à nouveau ici. Là. Oui, puis les sages-femmes qui venaient d'un peu partout ont pu profiter aussi de notre belle ville de Québec. Oui. Mm. Oui, tout à fait. Dans le cadre du 400e aussi, on peut dire que c'est très intéressant. Alors, aujourd'hui, notre émission tourne beaucoup de la présence et le leadership pour les sages-femmes ou autour de la périnatalité. Et on voudrait commencer par savoir le thème de la présence. Comment cela s'est-il exprimé au travers de ce congrès? Eh bien, d'abord de voir, je vais parler avec mon chapeau d'étudiante, là, d'abord de voir autant de sages-femmes présentes autour d'un même sujet pour la même raison. Moi, j'ai trouvé que déjà, ça témoignait d'une grande présence, d'une grande présence de la pratique sage-femme, mais aussi tous les conférenciers qui ont présenté nous apportaient quelque part en quoi ils étaient présents dans leur pays et où elles en étaient dans le cheminement de leur pratique dans leur pays ou dans leur province. Mais ce qui m'a particulièrement marquée d'un point de vue personnel, puis je pense que peut-être Raymond pourra en témoigner aussi, là, on a eu une conférence le mercredi soir, juste après l'ouverture du congrès, par Madame Cathy Cook, qui est une sage-femme autochtone canadienne, qui nous a... Plutôt que de faire une conférence traditionnelle, bon, parler de qu'est-ce qui se fait, où ils en sont rendus, tout ça, elle nous a vraiment partagé un conte de sa culture autochtone qui parlait, en fait, qui situait l'histoire d'une femme qui donnait naissance. Et puis, moi, j'ai trouvé que, à travers ce conte-là, ça m'a vraiment transportée dans leur culture. Puis, quelque part, ce qui m'est resté de cette histoire-là, c'est de voir à quel point le retour des sages-femmes dans leur communauté, ça leur redonne accès à leur culture, plutôt que d'avoir à se déplacer dans des grandes villes pour pouvoir aller donner naissance. Puis, bien entendu, je peux pas vous lire ou vous rendre tout le conte avec son essence, comme nous l'a livré Madame Cook. Mais j'ai envie de vous en lire un extrait, si vous êtes d'accord, juste pour vous mettre un peu dans l'esprit du conte. Alors, le conte s'intitulait « The Breath of Life ». Quand mon souffle a quitté ma bouche, il s'est répandu à travers la pièce. Il en a fait le tour, puis il m'est revenu à travers mon oreille et est descendu jusque dans mon corps, là où se tenait mon enfant. Tu sais ce qu'on dit? Que lorsque l'on meurt, il y a une lumière à l'issue d'un tunnel? Eh bien, c'est ce que j'ai vu, une lumière au bout du tunnel. Ce devait être ma lampe de poche, a répondu Cathy Cook. Une vie devant l'expérience de la naissance. Et Tewakiarekwa poursuivit. Tu sais ce qu'on peut entendre sous l'eau lorsqu'on nage? A-t-elle demandé. Eh bien, c'est ce que j'entendais. Je pouvais entendre les gens parler comme si nous parlions sous l'eau. Je pouvais entendre tout ce que mon bébé entendait et je pouvais voir tout ce qu'il voyait. J'ai senti une grande paix. Je savais que mon bébé était bien. Et lorsqu'il est né, je suis née. Elle s'est exclamée, enthousiaste, « Je ne serai plus jamais la même. Pendant si longtemps, j'ai laissé l'homme blanc me dire qui j'étais et ce que je devais faire. Mais je ne vivrai plus jamais de cette façon parce que je sais maintenant que nous pouvons le faire. Nous pouvons donner la vie. Je ne passerai plus une seule journée sans parler ma langue. Je ne laisserai plus une seule journée l'homme blanc me dire qui je suis. » Et ce que nous sommes en tant que nation. Quand une mère qui donne naissance éveille sa propre puissance, quand son âme, son corps et son esprit s'unissent en une élégante manifestation de son orenda, son pouvoir sacré, de sa force spirituelle, c'est à ce moment que la vie se révèle dans tout son sens. Merci pour cet extrait aux airs poétiques. Alors, tu nous as parlé de Cathy Cook. Il y a aussi Bénédicte de Tisenbart. Est-ce comme ça qu'on le dit? Elle le prononce Tisbart. Tisbart. Et Evelyne Mathieu, qui sont des sages-femmes belges qui ont partagé la situation des sages-femmes en Belgique. Qu'as-tu retenu de leur conférence? Eh bien, la pratique sage-femme en Belgique, présentement... me paraît vraiment très belle. Ils sont partis de loin quand même. Je ne sais pas si tu partages mon avis, Raymond. Oui, tout à fait. Ils étaient pratiquement devenus des infirmières, avec le temps, avec bon, le pouvoir médical, tout ça, ils étaient pratiquement devenus des infirmières en obstétrique. En fait, quand on parle de partir de loin, c'est peut-être intéressant de savoir qu'avant les événements dont on va vous parler, leur loi, finalement, était très large au niveau de la pratique sage-femme. Elles avaient un champ de pratique qui couvrait vraiment la grossesse, l'accouchement et le postnatal, mais avec les années, ça s'est vraiment amenuisé. Alors, c'était de ce que tu étais en train de... Oui, c'est ce que je voulais dire par partir de loin. parce que c'est ça, légalement, elles existaient, elles ont toujours existé en Belgique, mais dans les faits, dans la réalité, elles avaient pratiquement disparu. Et ce qu'elles ont partagé à travers leur conférence, c'est à quel point elles ont compris qu'en unissant leur désir de partager ou de vivre leur vision de la naissance, elles pouvaient s'unir puis reconstruire leur profession comme elles le pensaient. Mais ce qui est ressorti beaucoup de leur conférence, c'est qu'elles avaient puisé à travers différents modèles dans le monde pour aller rebâtir ce qu'elles voyaient comme leur profession. Puis ce qui ressortait, c'était, là où on a trouvé notre modèle, le modèle qu'on souhaitait reproduire, c'est au Québec. Alors moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on attend ici? Est-ce qu'on le sait, ce qu'on a? Et qu'est-ce qu'on attend qu'ils sont venus chercher ici? Alors, je vous invite à écouter un extrait audio que j'ai enregistré auprès d'elle. Ce qui se passe, c'est que la profession est en train de disparaître tout à fait. Notre formation était vraiment était devenue très peu intéressante, dans le sens où on était obligé de passer par la formation infirmière. On n'avait plus seulement qu'un an d'accoucheuse, d'infirmière accoucheuse. Mm-hmm. Donc on devenait vraiment des infirmières obstétriciennes au service des médecins. Okay. Et en étant sur le terrain, on se rendait compte, et moi j'ai fait cette formation-là il y a 30 ans, on se rendait compte qu'on perdait vraiment toute la qualité de travail qu'avaient les sages-femmes avant, mm-hmm. dans notre pays, comme dans le vôtre d'ailleurs. Et on s'était dit, il faut absolument qu'on retrouve une sage-femme. Et c'est l'Europe qui nous a aidés en disant, pour que les sages-femmes puissent changer de pays et travailler dans les pays voisins dans l'Union européenne, mm-hmm. il faut déterminer un profil de formation qui soit minimum standard, ouais. pour que la santé des femmes soit garantie. C'est ce qui nous a sauvés. Donc à ce moment-là, on s'est dit, ok, profil de formation, on a ça, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle sage-femme mm-hmm. qui va arriver avec une formation autonome, une formation spécifique? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle sage-femme dans notre pays? Qu'est-ce qu'on va demander? Vers quoi on va aller? Et c'est en cherchant autour de nous, plutôt près des femmes, mmh. vraiment. Et il a fallu aller loin. Il a fallu aller loin. Ça n'empêche qu'il y avait des maisons de naissance en Suisse qu'on avait été visiter, qui se rapprochaient vraiment du modèle. Mmh. Mais le modèle qui nous a plu le plus, c'est le modèle des sages-femmes du Québec, mmh. donc de la formation des sages-femmes du Québec, des maisons de naissance au Québec. Et c'est vraiment celui qui nous a fait le plus écho avec cette priorité, mais de quoi les femmes ont besoin, puisqu'on est là pour elles. Et comment organiser un système de santé autour de ce concept pour lequel on est tous d'accord, qui puisse garantir ça, mm-hmm. que leurs besoins soient rencontrés. C'est ça qui nous a vraiment plu. Et bonjour à toutes celles qui vont m'entendre, pour cette civile profession. Mm-hmm. Au revoir. C'est ça, c'est que Alors, c'était un enregistrement fait par Erika Goupil. Pour vous présenter nos invités, ça n'a pas été fait tout à l'heure, Erika Goupil, qui est étudiante en deuxième année, qui était aussi sur l'initiative de ce projet de radio, et Raymonde Gagnon, qui est professeure au département sage-femme et qui a été présidente de l'Ordre des sages-femmes du Québec aussi. Important de le mentionner. Alors, qu'est-ce que cet exemple de la Belgique? Mais en fait, moi, ce qui me touche aussi à travers ça, c'est de voir, on a besoin à un moment donné de personne n'est prophète en son pays, là. Mm-hmm. On a besoin de réentendre qu'est-ce qui les a frappés, qu'est-ce qui les a portés, eux. Je trouve que c'est un message important qui nous retourne. En fait, c'est un peu comme un miroir où on voit dans les yeux de quelqu'un d'autre qu'est-ce que ça représente pour, qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place ici. Et ça nous dit en même temps, qu'il faut être vigilant, puis qu'il faut protéger et s'assurer que ça se développe dans le même esprit pour, un petit peu comme Erika en parlait, puis j'en parlais au début, c'est que on dit, ils sont partis de loin, mais il faudrait pas oublier que nous, ça pourrait nous arriver aussi à notre tour si on continuait pas de alimenter finalement la source de notre pratique. Être les gardiennes du normal, mais aussi être les gardiennes de notre profession et de cette profession qui nous est chère. Les deux vont ensemble finalement. Oui. C'est en étant gardienne du normal qu'on a développé notre profession. Faut pas l'oublier. Puis en continuant d'être gardienne du normal, finalement, on est aussi gardienne de notre profession. Tout à fait, oui. Puis d'être vigilante, puis d'en prendre bien soin. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pays qui vous ont parlé de leurs pratiques, qui ont été présentés dans leurs pratiques? Ben oui, je vais juste glisser un petit mot par rapport à une conférence qui nous a été présentée sur une étude qui a été faite en Allemagne, qui parlait en fait de l'importance de, en fait, la conclusion, parce que je vais pas établir les détails de la recherche. La conclusion, en fait, c'était l'importance de la continuité des soins et des soins centrés sur la femme, qui correspondait à la fois aux engagements, si on veut, des sages-femmes allemandes, mais aussi aux besoins énoncés par les parents. Ce qui fait que vraiment, là, en allant chercher ces deux éléments-là, il arrivait à combler les besoins des femmes, puis à combler les valeurs sages-femmes aussi. Oui, que ça venait ensemble. Mm-hmm. Alors, au niveau du Québec, y a-t-il eu des conférenciers qui vous ont frappé, dont vous voulez nous parler? Bien, en fait, il y a eu une présentation qui a été faite par Emmanuel Hébert, là, qui est professeur au programme en pratique sage-femme. Il y avait Céline Lemay aussi, mm-hmm. à ce moment-là, qui est venue parler. Et elles ont surtout parlé de comment la pratique sage-femme s'est développée en dehors des centres hospitaliers au Québec. Elles ont parlé, bon, par exemple, que à l'heure actuelle, on peut aller en centre hospitalier avec une femme qui est suivie par une sage-femme et qui souhaite y accoucher, mais on n'y va pas avec un privilège d'admission. Et des fois, ça questionne un peu. Pourquoi les sages-femmes, dans le fond, est-ce qu'elles ont choisi ça? Pourquoi ça se passe comme ça, dans le fond, qu'elles n'ont pas le privilège d'admettre en centre hospitalier? Le thème de leur conférence, c'était « Est-ce que c'est un privilège ou pas? » Et ben, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que on considère pas que ça serait un privilège pour nous d'admettre en centre hospitalier. Ce qu'on a voulu, dans le fond, c'est que la pratique puisse se développer pour permettre aux femmes, peu importe le lieu de naissance, d'accoucher de la même façon, puis que la sage-femme ait le même suivi. Et le fait de pas admettre en centre hospitalier, en fait, la femme peut aller en centre hospitalier, mais je veux dire, on n'est pas soumis comme sage-femme à tout l'encadrement de la pratique, par exemple, là, avec tous les protocoles des centres hospitaliers comme tels. C'est qu'on va à l'hôpital, mais sans être sous la tutelle de l'hôpital, juste oui, pour c'est clarifier. Ça. Là, c'est pour, ça. Exactement, c'est que c'est bien, c'est que la sage-femme peut avoir accès via une entente de service entre le centre de santé où elle travaille et un centre hospitalier. Elle peut avoir accès à des chambres de naissance, par exemple, mais elle n'est pas une employée de l'hôpital ou elle n'est pas non plus, là, fait pas partie de l'équipe en place, même s'il y a des collaborations, des échanges qui se font. Mais à ce moment-là, ça fait en sorte que elle est avec la femme et sans nécessairement suivre là les règles habituelles là des routines les hospitalières là hospitalier. C'est ça exactement elle suit bon les règles de sa profession oui. Elle va l'aider à accoucher de la même façon qu'elle le ferait dans un autre lieu en fait de naissance et ça permet ça finalement. Et puis ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans la conclusion d'Emmanuel Hébert durant cette conférence là, c'est finalement de dire comme l'énonçait Raymond, le titre c'était est-ce que être admis ou en fait est-ce que pratiquer dans un hôpital c'est un privilège ou non? Ben ce qu'elle mentionnait c'est que finalement ça nous a pas empêché de développer la profession même si on n'était pas employé par un hôpital. Mmh. Qui fait en sorte que ça n'a pas limité l'accès aux services sages-femmes et au contraire, ça a permis peut-être aux sages-femmes de conserver leur identité professionnelle. Et même, je dirais que les collaborations professionnelles, de faire des ententes, ça a amené des échanges entre les professionnels. Mm-hmm. Et ça permet de mieux comprendre le champ de pratique de chacun, d'être complémentaire, puis à ce moment-là, de pouvoir se respecter chacun dans nos champs de pratique, là. Donc, l'idée chemine aussi d'offrir aux femmes, dans le fond, la possibilité d'aller en milieu hospitalier sans être tout à fait sous le même protocole. Ben, en fait, le but visé, c'était d'être capable d'offrir à la femme le choix du lieu de naissance. Pour certaines raisons, il y a des femmes qui vont se sentir plus à l'aise d'accoucher à domicile. Il y en a d'autres qui ça va être en maison de naissance. Il y en a d'autres qui sont en centre hospitalier. Fait que comme sage-femme, on trouvait ça important de pouvoir aider... accompagner la femme à l'endroit dans où le elle choix des se parents. Sentait exactement voilà. À l'aise pour donner naissance. Alors, il y avait aussi Isabelle Brabant à ce congrès. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qu'elle a apporté dans sa conférence? Oui, et moi j'ai trouvé qu'elle a apporté un point particulièrement intéressant par rapport aux maisons de naissance qui ont longtemps été vues comme un lieu intermédiaire entre l'hôpital et le domicile. Une sorte de compromis. Une sorte de compromis entre les deux. Et c'est parfois quelque chose qu'on peut encore entendre, que ce soit des parents ou que ce soit même du milieu sage-femme lui-même. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'elle nous est arrivée durant cette conférence-là avec le vécu de certains parents, avec les témoignages de certains parents qui mentionnaient à quel point pour eux la maison de naissance était pas du tout un compromis, mais était plutôt comme la possibilité d'aller donner naissance dans un lieu qui est consacré à la naissance. Mm-hmm. Effectivement, je veux dire, c'est un constat qu'on fait, puis on est peut-être un peu les premières surprises nous-mêmes. Mmh. Au point de départ, je veux dire, la maison de naissance, ben, c'était quelque chose qui pouvait être intéressant pour avoir un endroit où les gens pouvaient venir durant la grossesse, l'accouchement, le postnatal. Mais c'était vu un peu comme une alternative au centre hospitalier pour des gens qui se sentaient peut-être pas à l'aise d'accoucher chez eux, voulaient le faire dans un endroit qui était quand même plus proche. Oui, c'est ça, qui était plus proche d'une maison, finalement. Et ce qu'on se rend compte, c'est que maintenant que les trois lieux de naissance sont possibles, la demande n'est pas si grande que ça pour le centre hospitalier, et pas si grande que ça pour le domicile. Puis il y a des gens qui choisissent vraiment de venir en maison de naissance, puis c'est ce qu'ils nous disent. Des fois, ils ont comme besoin, elles n'auraient pas accouché chez elles. De se détacher. Ouais, de trouver, arriver elles arrivent à la maison de naissance, surtout quand ils ont d'autres enfants, tout ça. Et là, elles se ressentent vraiment sur cet événement-là, ce bébé-là qui s'en vient. Puis ils ont l'impression d'être en communion, d'une certaine façon, oui, avec une énergie qui est là, de d'autres femmes qui ont accouché, d'autres familles. Dans ces lieux qui sont souvent bien décorés, les maisons de naissance sont réputées pour... Oui, des fois, c'est la décoration, mais c'est peut-être non, aussi mais l'intimité. L'intimité, oui, mais aussi... la chaleur de la maison de naissance. En fait, décoration, oui, n'était pas le mot, mais plutôt l'énergie qui est là, oui, ou comme le fait que de savoir que dans cette chambre, il y a aussi d'autres naissances et d'autres sages-femmes qui sont allées, de sentir oui, puis aussi des fois, de se pouvoir se laisser aller. Tu sais, des fois, je sais pas, moi, dans sa maison ou son appartement, entre autres, ben, mm-hmm, je veux dire, t'as pas toujours la possibilité, c'est pas toujours très bien insonorisé. Fait qu'il y a des gens peut-être qui se sentent aussi plus à l'aise de venir là parce que ils peuvent vraiment, là, être à l'aise. Se laisser aller, là. Oui. Et de ma très courte expérience en maison de naissance, j'ai vraiment senti à plusieurs reprises que pour les parents qui arrivent en maison de naissance, le temps s'arrête. Mmh. Et ça, à l'occasion, il y a des parents qui arrivent avec leur travail, mais finalement, au bout d'un certain temps, bon, là, les contractions augmentent, tout ça, la femme avance dans son travail, puis le temps arrête pour donner le temps à cet enfant-là d'arriver au monde. Se concentrer que sur ça. Y avait-il d'autres éléments dont vous vouliez faire part pour cette conférence? Ben oui, par rapport rapidement pour qu'on puisse entrer dans la deuxième thème. Et ben simplement que malgré les beaux constats qui ont pu être faits par rapport aux maisons de naissance, il y a quand même des défis qui continuent à se poser par rapport à ce lieu-là parce que bon, sans forcément entrer dans les détails administrativement, ça reste quand même une bâtisse qui est à l'extérieur d'un hôpital. Puis bon, on est quand même dans un mouvement de centralisation là. Si on sort pas uniquement dans le domaine de la périnatalité, mais en santé en général, la fusion dans le réseau de la santé aussi. C'est ça. Mm-hmm. Donc les maisons de naissance, peut-être pour les gens qui connaissent moins, ben c'est une installation du centre de santé. Donc, par rapport à une maison de naissance, il y a toute l'administration du CSS aussi qui est en lien avec... Tout à fait. Alors, les défis que Isabelle Brabant a posés par rapport à la suite des maisons de naissance, c'est de continuer à développer malgré les coûts, de conserver des dimensions optimales, de développer aussi des petits modèles qui répondent aux besoins des régions. Parce qu'on n'a pas forcément des gros bassins de population partout au Québec. Et de continuer, ben en fait, de conserver ou de restaurer l'administration sage-femme au sein des maisons de naissance pour que la philosophie se transmette de maison en maison et de faire des statistiques. Ça, on est rendu oui, là. Hein, oui, pour appuyer encore plus ce que l'on dit, ce que l'on croit, dont on est convaincu, mais pour convaincre aussi le reste des gens. Voilà. Deuxième thème déjà. Alors, leadership. C'est aussi un thème qui est très intéressant dans cette profession. Alors, En fait, par leadership, ce qu'on entendait là, dans le congrès, c'était beaucoup la place que la sage-femme prend. Et finalement, comme profession, on est une jeune profession, il faut prendre notre place dans le réseau, faut prendre notre place par rapport, je dirais, aussi par rapport à, quand on parle de leadership, je pense que par rapport à la société, dans le fond, on en parlait un petit peu tantôt, le rôle que la sage-femme joue, c'est d'être la gardienne du normal, mais c'est aussi à travers bon, notre travail, les familles qu'on aide à donner naissance, que se transmet toute la dimension de la naissance comme une expérience de vie. Et je veux dire, on assume vraiment un rôle de leadership à ce niveau-là. Et le congrès, dans le fond, plusieurs conférences touchaient vraiment ces dimensions-là, où on voit que de plus en plus, avec les recherches, tout ça, dans le fond, l'accouchement naturel, normal, même si on vit dans une époque de technologie, ça demeure que c'est quand même peut-être les conditions optimales pour un enfant là, qui arrive, un nouvel enfant qui arrive sur notre planète. Alors, on a parlé beaucoup d'AVAC. Alors, qu'est-ce que l'AVAC, premièrement? L'AVAC signifie accouchement vaginal après césarienne. On en a parlé beaucoup, en fait. C'est relatif, là. Je vais mettre un bémol. Durant tout le congrès, c'est qu'il y a eu deux conférences qui ont été consacrées à l'AVAC. Et il y a eu Emmanuel Bujol, qui est médecin et chercheur membre du Centre de recherche en biologie et de la reproduction, qui en a parlé. Et il y a aussi Hélène Vadeboncoeur, qui est docteur et auteur de Une césarienne non merci et d'un second livre qui va sortir, je pense, prochainement. Je ne sais pas si t'en es au courant. Oui, c'est un livre qui va être publié là en janvier, probablement. Là, je sais qu'il peut être disponible à partir de décembre. Qui est aussi sur l'accouchement vaginal après une césarienne. C'est ça. On va vous dire le nom à la fin de l'émission. Ou à la prochaine émission. Mais voilà, en fait, si les sujets ont été abordés, c'était pas tant pour prendre position par rapport à quoi que ce soit. Est-ce que c'est les sages-femmes, pas les sages-femmes qui font ça, dangereux, pas dangereux. C'est plutôt, en fait, les deux conférences sont portées sur en quoi ça consiste l'AVAC, quels sont, par rapport à d'autres alternatives, quels sont les risques ou les avantages. Et en fait, le but de ce que j'ai senti de ces deux conférences-là, c'était d'alimenter la réflexion sur, finalement, où on se positionne, nous, en tant que gardiennes du normal, par rapport à ces AVAC-là. Mm-hmm. Oui, puis... au fond, je veux dire, si on regarde au niveau de la pratique sage-femme, je veux dire, notre champ de pratique nous permet de suivre une femme qui a déjà eu une césarienne, mais c'est certain que, je veux dire, la sage-femme va documenter les conditions antérieures de la césarienne, tout ça. Fait qu'il y a certains cas qu'elle va référer parce que, je sais pas, un exemple simple peut-être que les gens peuvent comprendre, c'est que si la première césarienne a été faite et que la suture a été faite en un plan, ben, il peut avoir peut-être plus de risques si elle a été faite en deux plans. Bon. Fait que donc, il y a différents critères sur lesquels la sage-femme va se baser, mais d'emblée, elle peut faire le suivi d'une femme qui a déjà eu une césarienne. C'est ça qu'on appelle là, un accouchement, un AVAC, là, un accouchement vaginal après césarienne. Et Hélène Vadeboncoeur, alors, nous avons ici le nom de son livre, « Une autre césarienne ou un accouchement naturel, s'informer pour mieux décider », Hélène Vadeboncoeur. Alors, ensuite aussi, il y a eu d'autres conférenciers qui ont abordé les formes de leadership. Peux-tu nous en parler? Oui, il y a le docteur Pierre Lévesque qui a démontré la nature du bébé. C'était particulièrement intéressant comme conférence. Il est reparti, mais vraiment là, du début de la préhistoire à remonter jusqu'à aujourd'hui pour essayer de comprendre qu'est-ce que finalement un bébé? Est-ce que c'est d'emblée un être asocial, un être social? Et sa conclusion à lui, c'est que le bébé est de nature un être social. Autrement, l'humanité serait déjà morte depuis longtemps si le bébé avait été de nature asocial. Et... en fait, à l'issue de sa conférence aussi, c'était de nous inviter à revaloriser le modèle de puériculture qui est celui de la proximité, du portage et de l'allaitement. Mais je me suis demandé, et en fait, avec des questions d'autres étudiantes qui étaient en ma compagnie, on s'est demandé, mais à quel point ce modèle-là de proximité, de portage... Dans le fond, d'abord, tout le temps, l'enfant sur nous. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il prônait. Dans ses premiers mois, oui. Dans ses premiers mois, premières années de vie, c'est ce qu'il prône. On s'est demandé, mais comment est-ce que c'est possible dans notre monde moderne? Je vous invite à écouter sa réponse. Est-ce qu'on peut recréer ça comme dans une société comme la nôtre? Il faut retrouver cette douceur-là qui est ancestrale. elle est dans chacun de nous, elle est dans la tête de quelqu'un. Oui. On le sait, quand on... Donnez un exemple, tiens, je ne sais pas, c'est vraiment compte, les soins non parentaux, mm-hmm. quand une mère, pour la première fois, voit son enfant partir pour l'école, elle va porter son bébé à carré, elle reste en train de quand on lui dit de laisser pleurer son bébé la nuit, qu'elle le fait pour la première fois, mm-hmm. elle reste en train de faire. On ne s'habitue pas vraiment jamais à ça. Donc, cet instinct-là, cette manière-là, on la connaît instinctivement. On l'a en nous, on le sait, c'est l'histoire qui nous la donne, mais elle est toujours présente. Elle est toujours là. Mm-hmm. Comment faire? Essayer de retrouver les éléments qu'on peut retirer de cette expérience-là pour l'adapter à notre vie moderne, parce que le travail le permet pas facilement, mais... Le monde des études non plus. C'est des choses qui peuvent changer. Il faudrait peut-être penser à partir des projets pilotes ou dans une certaine entreprise, un certain bureau, les mères qui ont eu des bébés à même leur bébé. Pour voir comment ça dérange pas tant ça, des bébés qui sont élevés dans le continuum, parce qu'ils sont moins turbulents, ils sont plus faciles, ils sont plus calmes, etc. On verrait que la conception du bébé n'est pas bonne, parce que pour nous, un bébé, c'est turbulent. C'est turbulent dans le cadre d'une puériculture qui est anormale. Et ça ne l'est pas nécessairement dans le cadre d'une puériculture qui est très, très bonne. Vous êtes de retour à l'émission Connaître ensemble pour mieux savoir les sujets en périnatalité. Alors, on est de retour avec Irka Goupil et Raymonde Gagnon. Alors, Irka, pourrais-tu nous résumer les propos de ce cher Pierre Lévesque? D'abord, je tiens quand même à m'excuser pour la piètre qualité de l'enregistrement. Là, on apprend à faire des entrevues. Mais voilà, oui, Pierre Lévesque, dans le fond, ce qu'il mentionnait, c'était finalement que la culture de proximité, comme je vous ai parlé tout à l'heure, peut-être donnerait des bébés moins turbulents. Dans le fond, c'est l'image qu'on a du bébé actuellement. Un bébé, ça pleure, ça demande, ça a besoin de soins. Mais finalement, ce que lui propose, c'est avec la culture de proximité, avec le contact avec les parents, avec le portage qui permet une stimulation continue, un éveil du monde, l'allaitement qui donne, alimentation, anticorps, tout ça, j'entrerai pas dans l'allaitement. Mais ce qu'il dit, lui, c'est qu'avec ce modèle-là, peut-être qu'on pourrait transformer le modèle du bébé turbulent en modèle de bébé, finalement, qui est plus être en social. Paix avec voilà, qu'il est calme, qu'il est paisible. Extérieur. Et ce qu'il mentionnait, comment c'est possible dans notre monde aujourd'hui, il dit, bon, on peut pas échapper à notre monde moderne, là, on vit tous dedans, mais il dit, je tiendrai à ce que des projets pilotes soient mis en place, que ce soit dans des bureaux, des entreprises, peut-être des petites entreprises ou même à l'école, parce que dans le monde des études non plus, c'est pas facile d'être jeune mère, et peut-être des projets pilotes pour que quelques mères qui ont eu des enfants les amènent avec eux, puis peut-être commencent à voir comment ça dérangerait pas tant que ça leur rentabilité au travail aussi, parce que là, j'entends déjà les employeurs dire, il n'y en a pas question. Mais c'est ça. Comment on pourrait transformer l'image du bébé en les gardant plus près de nous? Puis lui, il pousse même aussi la réflexion à dire, peut-être que si les enfants étaient davantage en proximité avec leurs parents, avec leur réseau social, peut-être qu'on rencontrerait moins de problèmes à l'enfance et à l'adolescence comme on en voit tant aujourd'hui. Puis peut-être pour enchaîner, l'image qu'il donnait à un moment donné, c'est que les trois outils qu'on voit comme des outils souvent comme parents, ou les trois plus grands handicaps qu'on peut amener à un bébé avec ces outils-là, c'était la sucette, la poussette et la couchette. Oui. C'est dans le fond des moyens qui amènent à éloigner l'enfant. Et à ce moment-là, ben, la proximité, c'est vraiment comme quelque chose qui répond à ses besoins. Puis on a développé des outils pour un peu produire le contraire. Voilà. Fait qu'après, des fois, on est comme un peu surpris comment ça se fait que nos enfants pleurent, puis qu'on n'est pas... On cherche bien des réponses à ces pleurs aussi, oui. ces problèmes oui. plus tard oui. dans l'enfance ou l'adolescence. Et oui. Il y a aussi d'autres thèses sur le sujet. Tout à fait. Mm-hmm. Alors... il y a aussi eu une présentation étudiante dont Erika, tu as participé à l'élaboration et à la présentation. Raymond, du point de vue extérieur, comment était cette... Premièrement, quel était le sujet de cette présentation étudiante? Okay. Ben, en fait, c'était sur le thème là, du leadership et les étudiantes nous ont parlé un peu comment elles vivaient ça, elles, le programme sage-femme, le leadership qu'elles prenaient à l'intérieur de ça. Elles nous ont surtout parlé de l'adaptation, finalement, mm-hmm. qu'elles vivaient par rapport à leurs études. Là. Peut-être avant de rentrer un peu plus dans le sujet, je dirais qu'il y avait 6 étudiantes là, de la 2e à la 4e année qui étaient là. C'est une présentation très intéressante. qui parlait vraiment du vécu des étudiants, très respectueuse, puis qui nous donne aussi des bonnes pistes là pour, je veux dire, améliorer finalement des aspects là de la formation. Donc, de la théorie à la pratique, les étudiantes nous ont parlé que quand elles arrivent au programme, je veux dire, c'est avec un rêve là, de devenir sage-femme, tout ça, mais il y a des prises de conscience aussi qui se font de ce que c'est cette profession-là, qui les amène aussi à mieux se connaître, puis à voir c'est quoi leurs propres limites. Elles sont confrontées aussi quand elles commencent leur stage, elles doivent déménager, je veux dire, il y a la réalité du budget aussi qu'il faut gérer, la famille, les amis, les horaires. Alors, c'est vraiment de la théorie à la pratique. Et comment faire à travers tout ça, maintenir son beau rêve, mais aussi être capable là, de poser... elles font face aussi au défi de poser des gestes nouveaux. Je veux dire, de vraiment la réalité aussi des familles. C'est pas toutes les étudiantes qui ont nécessairement eu des contacts avec des familles avant. Donc, je veux dire, c'est des choses qu'elles ont à apprendre, à connaître, à développer des liens aussi. Un autre aspect de leur présentation, c'était au niveau des adaptations, c'est les relations avec les préceptrices. Alors, bien évidemment, il y a des préceptrices qui sont différentes, fait qu'à chaque fois, ben on a à s'adapter à des préceptrices, un environnement différent. Justement, l'adaptation au lieu, c'était comme un troisième volet de leur présentation. Elles font des stages un peu partout à travers la province. Donc, elles ont, en partant, là, ce qui est connu, c'est qu'elles doivent faire des stages en deux régions différentes. Donc, au point de départ, au moins. Fait qu'au point de départ, on peut voir un peu qu'est-ce que ça peut demander comme adaptation. Par contre, c'est très riche aussi parce que dans chacun des milieux, peuvent vivre des expériences qui sont différentes. Puis après, ben, ça les aide elles-mêmes là, à voir comment elles vont être. Vivre leur propre profession. Exactement. Mm-hmm. Elles ont, évidemment, le quatrième aspect, c'était leur leadership personnel. On parlait tantôt, ça les aime. Elles doivent être proactives, hein, dans leurs apprentissages. C'est une profession où on finit par être une professionnelle autonome. Donc, elles ont à développer l'autonomie tout au long de leur formation. Et la confiance aussi. Oui, hein, parce tout ça à va fait. De pair. Tout à fait. Fait que ça va beaucoup avec, c'est une formation qui amène aussi, à travailler sur soi. Donc, la connaissance de soi, la connaissance de ses limites qu'on parlait tout à l'heure. Elles doivent développer des outils par rapport à toutes ces adaptations-là. Puis, finalement, aussi, elles nous parlaient de le leadership social qu'elles peuvent assumer. Il y en a plusieurs, malgré que c'est un programme qui est exigeant. Il y en a plusieurs qui arrivent à travers différentes expériences. Bon, l'exemple là, de l'émission qu'elles présentent en est un, à assumer un leadership, prendre leur place dans leur milieu, faire connaître. C'est qu'on se rend compte très rapidement que c'est une profession qui n'est pas connue, en tout cas très peu. Donc, on va être dans un party de famille et on va avoir à en parler. Fait que d'une certaine façon, on fait de la promotion par rapport à... Tout le temps. Oui. Tout le temps, par rapport à la naissance, à la profession. Et la conclusion, ben, c'était que l'adaptation, c'était une force, mais que la formation est exigeante. Ça se faisait pas sans effort non plus. Mais, je veux dire, on sent quand même à travers leur présentation là, que la petite lueur, la petite flamme est là, puis est bien entretenue. Ça, c'était bien positif. Est-ce que ça correspond aux objectifs de votre que vous étiez fixé? Oui. On était très heureuses de comment ça a été reçu dans la salle parce que, étant donné qu'on allait parler finalement de notre vécu étudiant qui était à la fois difficile et beau, on craignait peut-être un peu la réponse dans la salle, tu sais, qui était, bon, peut-être la réaction habituelle qu'on peut entendre de « Ben là, c'est pas si pire que ça, là, arrêtez de vous plaindre. » Mais ça n'a pas été ça du tout, parce que, comme l'a mentionné Raymond, je pense que les gens ont bien entendu qu'on reconnaissait les forces de notre formation, mais qu'on soulignait aussi des éléments qui étaient plutôt difficiles et qui peut-être faisaient en sorte qu'on était parfois moins présente, tu sais, moins ancrée, moins groundée dans nos apprentissages et qui peut-être pourront être à réévaluer. Puis la prochaine modification du programme. Ben, c'est ça. En fait, on est à l'heure actuelle en modification de programme. C'est donc, ça. C'était aussi intéressant d'entendre ça parce que ce qu'on veut, dans le fond, c'est que ce soit une formation qui soit la meilleure pour les étudiantes puis développer des outils pour leur permettre de pouvoir la vivre au mieux aussi. Mm-hmm. Là. Merci pour nous avoir parlé de cette présentation. On va déjà aller avec nos derniers extraits audio. Mm-hmm. Peux-tu nous parler des dernières entrevues que tu as fait? Oui, la personne que j'ai interviewée, le dernier extrait que je vous présenterai, c'est une sage-femme pionnière de l'Ontario qui m'a personnellement beaucoup, beaucoup touchée. elle parlait de leadership. Fait que c'est pas une grosse surprise, là. Mais elle parlait de leadership, en fait, d'un point de vue plus... vraiment proactif, là, dans un sens... oui, on a bâti un modèle sage-femme il y a de cela quelques années, mettons une vingtaine, trentaine d'années. Le modèle s'est mis en place, il s'est formé. Bon, là, c'est rendu canadien, c'est rendu international peut-être. Mais comment on peut développer, quel modèle on peut peut-être penser à développer aujourd'hui pour répondre aux besoins d'une population plus grande encore? Et en fait, c'est ça, elle nous invitait à réfléchir à l'évolution de la profession en réponse aux besoins des femmes de tous les milieux. Je vous invite à l'écouter. And innovation are the same. What I'm doing is taking initiative to find how you can best fit in the community where you're placed. So it's not just setting up a clinic and waiting for people to come to you. Mm-hmm. It is looking really at your community and looking at all of the groups that make up your community and then thinking, what skills can I bring? What skills have I got to offer that I can learn to fit into my community, and rather than say, come to me and I will give you care. Mm-hmm. Because I think we are in danger of, in some ways, becoming godlike. Yep. Like the medical profession. Of course. And slipping on our white coats and keeping ourselves separate and removed. And when you're removed, you can't be fluid, you can't mm-hmm. innovate, you can't play a real substantial role in your community. So when I say be flexible, I mean, you know, what grassroots organizations or what grassroots activism mm-hmm. is present in your community for women of childbearing years. Mm-hmm. But not just to get clients, but to tell people, to give people access to information in libraries, in schools, in bus stops. Mm-hmm. How can you form up with your community and partner with your community? So when you do that, when you take yourself out of your clinic mm-hmm. and put yourself in your community, that's when you're really, truly a part of it. Alors, peux-tu nous résumer en quelques mots en français? Oui, ben tout à fait. Écoutez, c'est en gros, elle nous a donné des exemples, mais c'est simple. Ce qu'elle disait, c'est sortons de nos cliniques pour aller voir les femmes où elles sont, pour aller sentir leurs besoins, quels sont-ils. Répandons l'information par rapport à la reproduction, par rapport à la sexualité, par rapport à la vie féminine. Mais ce qu'elle disait, c'est pas juste pour aller chercher des clients. Bon, c'est pas au Québec, ça fait partie du système de santé publique, mais bon, ailleurs, c'est pas forcément le cas. Fait que répandons les informations pour dire que les sages-femmes existent, mais pas pour aller chercher des clients, mais plutôt pour répondre à leurs besoins, parce que c'est ça finalement notre objectif, c'est ça le fondement de la pratique sage-femme.